Bonjour, je peux lire votre panneau? Oui. Leurs yachts échoueront sur nos grèves. Voilà, rien à ajouter. Votre prénom c'est quoi? Pio. Je vais bien ce slogan parce que c'était à la fois social et écologique. Merci. Merci. On nous enlèvera pas le droit de manifester.